envie, Sergi dans sa chambre d'adolescente se lâche et se libère sur sa pop star du moment. Sans le pourquoi du comment, celle qui s'en fout du bon comportement. Vie sans lendemain, mais moi d'ici je les entends. Elle a pas de gueule, celle-là. Elle a pas de père, celle-là. Son mec lui dit rien. D'adolescente reste une aventurière, marche en même tout solitaire avec ce qu'il faut d'insolence pour se moquer de ce que les gens pensent. Son tempérament, mais moi du si je les entends. Elle a pas de classe, celle-là. Elle manque pas d'air, celle-là. Et personne lui dit rien. Je crois qu'elle a passé l'âge. Laissez parler mon corps, écoutez mes désirs. Je ne demande que ça. Je ne pourrai pas. Laissez-moi danser comme je veux. Danser, danser comme je veux. Oh oui, laissez-moi faire comme je veux. Danser, danser comme je veux. Demain je serai la même. Tu sais je serai la même. Demain tout sera pareil. Et bien donc, bonjour à tous, il est midi 45, et bien, bienvenue à tous et à toutes, et puis un petit merci à Jérôme pour l'émission entre 10h et midi 30, et que vous allez le retrouver dimanche prochain. Et bien, nous sommes ensemble jusqu'à 16h, et donc nous sommes ensemble avec, bien sûr, les chansons différentes, et puis à partir de 13h30 avec l'émission de l'accordéon. Mais pour l'instant, et bien, je vous laisse avec beaucoup de chansons différentes. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles.

Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. On vient d'horizons différents, on a des histoires, des accents, mais sous le même ciel. Chacun a sa place, chacun son secret. C'est nos différences qui nous grandissent. On est plus fort quand on se soutient, on s'unit. Un sourire, un bonjour, ça change tout. Un regard, un petit geste, c'est pas fou. Le respect, c'est pas compliqué. Écoutez, c'est déjà aimé. On est tous là. Peu importe d'où l'on vient, faut qu'on rassemble des cœurs ouverts, des mains tendues. C'est comme ça qu'on change le monde, pas en restant perdu. We'll be right back. avec nous dans le bayou. On t'emmène avec nous dans le bayou. Alors monte, monte, monte dans la pirogue, baille et un bon coup. On t'emmène avec nous dans le bayou. Dans le bayou, il y a des Cadiens, il y a des Cajuns qui sont comme, comme de lointains cousins. Nous dans le bas.

Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Nous sommes déjà le dimanche et puis il est 13h30, il est l'heure de retrouver comme les dimanches l'accordéon. Voilà donc, et bien aussi ça passe très vite, nous sommes déjà le mois de novembre et puis nous sommes déjà aussi le premier dimanche. Aussi, j'espère que ce matin, vous avez bien passé l'émission avec Antonio, le matin entre 8h jusqu'à 10h. Et puis, juste après, avec Jérôme, avec 10h, 12h30, le téléphone sonne. Eh bien, vous allez les retrouver la semaine prochaine. Nous sommes l'ensemble jusqu'à 16h avec, comme tous les dimanches, l'accordéon. Et bien donc, sans y penser, je vous laisse bien sûr avec les morceaux. Voilà, avec deux morceaux, valse et puis juste après, le tango.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Après le passe-double, voici la guinguette, puis suivi avec le Madison et le Tcha-Tcha. Si vous prenez l'écoute et bienvenue à un coup d'arc-en-ciel avec les musiques d'accordéon. tu me demandes est-ce que ça va, t'as vu ma tête, regarde-moi, ça te suffira. C'est pas la gueule, la gueule de bois, mais c'est seulement tous les fracas, tu ne devines pas. C'est oui, c'est non, et pourquoi pas, c'est blanc, c'est noir, t'en finis pas, enfin, c'est comme ça. La vie est dure quand t'es d'en bas, si t'es d'en haut, tu le vois pas, et tant pis pour moi. J'ai les boules, j'ai perdu les clés. J'ai les boules, je ne peux plus rentrer. J'ai les boules, on s'est disputé. J'ai les boules, rien ne marche jamais. J'ai les boules, je me suis fait virer. J'ai les boules, je peux plus travailler. J'ai les boules, je peux plus rien payer. J'ai les boules, ma banque m'a jeté. Je tourne en rond, je m'arrache les cheveux blancs pour pas faire vieux. Ça, c'est pas sérieux. Je vois des gens qui sont heureux, ça me fout la rage et pas qu'un peu. J'en veux au bon Dieu. On m'a piqué des tas d'idées, j'ai même été cambriolé. Tu vois, c'est pas le pied. Je dors le jour, je vis la nuit, et c'est pour ça que j'ai des ennuis, je deviens aigri. J'ai les boules, y'a rien à la télé. J'ai les boules, la France n'a pas gagné. J'ai les boules, les impôts vont grimper. J'ai les boules, on trouve plus de plombier. J'ai les boules, mon ordi a bugué. J'ai les boules, on a tout pollué. J'ai les boules, le radar m'a flashé. J'ai les boules et je vais exploser. Vive les vacances ou la retraite, j'ai plus envie de me prendre la tête, il faut que ça s'arrête. Et m'amuser avec les boules, je vais jouer, je vais pétanquer. J'ai les boules, tu as le cochonnet. J'ai les boules, on a les pieds tanqués. J'ai les boules, le pastis est au frais. J'ai les boules, on vous met la raclée. J'ai les boules, t'as mal pointé. J'ai les boules, je ne sais plus quoi jouer. J'ai les boules, oui tout le monde est crevé. J'ai les boules, je préfère arrêter. Et c'est pour ça que j'ai les boules. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà toujours l'accordéon et puis la polka qui suit avec la tarentaine.

boléro. Un joli bal au bord de l'eau. De grands yeux bleus si romantiques. Une soirée un peu magique. Ça fait sûrement 10 ans déjà. J'aurais dû oublier tout ça. Mais je traîne ça comme un sanglot. J'ai toujours le cœur de boléro. Les yeux fermés, je repense à l'été. Où un sourire a changé l'avenir. On n'y peut rien, la vie ça court. C'est comme un désir. Et mon cœur part. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et on continue avec Passo Doble suivi du tango et samba.

vous désirez vous promener, parcourez la campagne en juillet. Vous découvrirez les paysages et aussi des fleurs sauvages. Suivez les chemins de la Corrèze, là-haut sur les monts et les falaises, vous trouverez une fleur d'amour que chantent les troubadours. Chantez mes bruyères limousines, vous êtes belle, vous êtes fine. Et sur les monts des Molières, quand l'été sonne, vous êtes fière. Si l'on vous cueille, jolie fleurette, car vous faites naître des amourettes. Par vous, beaucoup de cœurs s'enflamment, jolie bruyère, bouquet de charme. Jean Séguret, qui demeurait là-bas près du sel, il mettait en musique les bruyères, un chômeil au monnaie. Alors si vous êtes un peu poète, choisissez ces fleurs couleur violette, qui vous apporteront le bonheur et mille joies dans le cœur. Et sur les monts des Molières, quand l'été sonne, vous êtes fiers. Et l'on vous cueille, jolie fleurette, car vous faites naître des amourettes. Par vous, beaucoup de cœurs s'enflamment, jolie bruyère, bouquet de charme. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Madison est de retour et puis juste après la Java et Rumba. un air musette, on est parti en goguette, on a délaissé le turbin et retrouvé les copains. Dansons la java pépère, ne faisons pas de manière, y'a plus qu'à laisser nos pieds se promener sur le parquet. Java, java, tu es coquine, java, java, tu assassines, sur les flanflons d'accordéon, tu domptes les mauvais garçons. Java, java, tu es coquine, java, java, tu assassines. Lance frotte, gentiment se pelote, bien sûr pour nous deux y'a pas. La plus basse c'est la java, on cadence et on chaloupe, j'ai mes deux mains sur ta coupe, parfois dans un trémolo, je te balance un béco. Coquine, java, java, tu assassines, sur les flancons de l'accordéon, tu domptes les mauvais garçons. Java, java, tu es coquine, java, java, tu assassines. Qui tourne en rond dans mon cœur lourd. Il n'y a plus grand chose à dire. L'espoir ne m'aide aucun secours. C'est la rumba des souvenirs que j'écoute en 45 tours. Et je revois son beau sourire du temps si bleu de notre amour. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. sur Arc-en-Ciel. Et on continue avec l'accordéon, bien sûr, et c'est la marche suivie de la polka et la bourrée.

Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et suivi du bourré, et puis le troisième morceau avec la polka. We'll be right back.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, juste à l'instant, le titre s'appelait « Dans le Bayou » avec Jérôme Robert et tout simplement. On l'écoutait tout à l'heure, mais je sais bien que l'autrice l'aimait bien, donc c'est pour ça que je l'ai repassé. Et bien, on continue avec sur l'accordéon avec la samba disco. Et après, ce sera le country. We'll be right back.